Je ne parle que de sexe et de fonce, démêle-moi d'être vex, je suis flatté car en effet, c'est le journal du hard, l'inspiration numéro uno, et Raven, la muse de Jojo Gadet. J'aime le porno, accompagné d'un bédo, bien chargé en AK, poule comme mon immeuble, et des pétitions, sous prétexte que j'en fume la maison, et que ça sent pas bon, mais bon, faut pas me prendre pour un con, hein, je suis mieux que la qualité. Peux-tu me dire comment ça peut puer, alors que l'odeur, sortie tout droit du bled, réveillerait un mort, pour lui faire danser, je me refends indoor à Bercy, j'aime la Sensi. Oui merci, petit sois gentil de faire passer le spliff par ici. Réhabiliter les doubis prohibés comme Bob, c'est mon job. Je gaffe les soifs et zigzag sur la chic. Et Rila, crois-tu que l'eau s'est bénie dans la pipe par la grâce du pape. Le King Kong du bong, bandé sur un beat de conga. Bois donc ton banga, je tourne au jaja à la ganja. Vive la java, fais la fiesta, pas la siesta, pas la siesta. Chine le tabataba, n'appelle pas de bata basta. Bastos les basses, mets tes adidas, bascule avec moi. J'ai le calumet. Tu vas te calmer une seconde, je vais te secouer au jouvent. Tu roules ta défuse, boy. Tu fais la teufée sous ce compte. Bon, bambino, scotcher tes babines au bambou. Remplis tes bajoux, mais s'il te plaît, bave pas partout. Car le Zwinkels pratique le skong fong chouchou. Façon kung fu fou. Joins-toi à nous quand le Zwinkels se met en pétard. Pour le skong fong des pétards. Sois pas dur la feuille quand le Zwing se met en pétard. Tu fonces kung fu. Joins-toi à nous quand le Zwinkels se met en pétard. Pour le skong fong des pétards. Sois pas dur la feuille quand le Zwing se met en pétard. Tu fonces kung fu. Stop la pagaille quand je débarque sur mon chariot chargé de paille, les pailles braille. Joins, roule-en un. Le Zwing grille le business du Cooper. Pampa vend ma qualité. Même sur sa fille, mon pote smoking fait de l'effet. Black domina, mais la pression donne l'impression d'être dans une sale situation. Situons l'action. Cave close, trop de vapeur, trop de bad boy, trop carglo. Mange moins de skunk qui fond dans la bouche et me touche les dents du fond. Alors que ben quelques touches de funk qui se confondent. Me fendent, j'en louche et bigle sur le bang. Sur les ondes, le Zwing sans son nom bien à l'ombre. Pas nombril du monde, grand groove et prendre l'underground. Je concorde un con de skunk. Fon fon chi, bouffon, monkey, j'suis funky. L'orange bad et ma Budweiser, tu te bad weasel. Flic, tu me confisques ma skunk pour prévenir un skunk, ça fixe. Mais les Zwinkels font de la skunk bang. Contre les cons dès qu'ils confondent, draguer dur la drogue douce et adhérer d'artard à la drogue dure. Tu piétines ma verdure, faudrait pas que ça perdure. Cette pipe va droit au but. Plus brutal que les caresses buccales d'une pute du quartier. Vous cherche pas la Jack Error quand je me porte à Kerrer. Cette végétale terreur comme Rika, Zaraï sous Araï, de déchets toxiques. J'allie le naturel au chimique. J'dépasse les doses homéopathiques. On m'avait prescrit, j'ai pas de limite à la santé par les plantes aromatiques. Vive la médecine douce. Donc je remercie les chercheurs qui ont mis en valeur la BR dans leur labeur. J'salive devant une bonne sativa et j'indique à mes potes cannabis répétita. Joins-toi nous quand le swing show. Sorti toujours chargé, dangereux et prêt à tuer. Le gun est un chillum et la fumée sort du barrier. Et je vais capter mon barrio. La purose me cogne le cerveau. Sous télé guéblot, me donne des visions. Impossible de suivre le fil rouge de l'émission. Une émission de bon son chargé, ambiance que ce con. Je la kiffe comme une sucrerie. J'en connais plus d'un qu'en vit mon style de vie. Fumer des bombards, des bocs font des lyrics et des locks. Ton époque délire, les délits font des locks. Choc, les bollocks, collés en bloc de 12. T'as le blues en loose, t'es j'prône l'Europe des 12. Crame, ramène du flouze. Brave la douane, mets leur des doigts, aller-retour, Panama, Amsterdam. Amsterdam, pique-toi et coule des grammes. Et bourre et bourre-en tes tam-tam. J'veux de la bombe, pour moi c'est chronique. De la grosse bombe atomique, de skunk qui nique comme cycliste, fond fils. Quelle poisse comme du réglisse, quelle suinte. Dans ma fantastique pleine de faim, lève ta pinte en l'honneur de cette plante venue d'ailleurs. Que j'kiffe avec un bon player, swing and fire, la meilleure. Ouais tu peux têche, tous tes vieux clubs ringards. Maintenant clair, pousse dans les placards. Joins-toi à nous quand le Zwinkels se met en pétard. Pour le skunk fong des pétards. Sois pas dur la feuille quand le Zwing se met en pétard. Tu fonces skunk fong. Joins-toi à nous quand le Zwinkels se met en pétard. Pour le skunk fong des pétards. Sois pas dur la feuille quand le Zwing se met en pétard. Tu fonces skunk fong. du mind choc.